tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis Omanette. Oui, c'est moi, Francis Omanette. Bonsoir Marie. Bonsoir, et ce soir il y a de la bière dans les studios car nous avons un invité. Bonsoir François. Bonsoir Marie. Et ben, on va passer tout de suite aux choses sérieuses et découvrir donc tous les disques que tu nous as ramenés, oui, François. Il est venu avec une belle pile de disques. Hein. Oui. Donc, avec pas mal de nouveautés. Hein, voilà. Donc je vais commencer par Jimmy Barbiani Band. Un disque qui est sorti il y a peu de temps. Alors, Jimmy Barbiani était le guitariste d'un groupe italien de Wind, groupe de blues psychédélique dans les années 2000, ce groupe-là a joué avec Johnny Neal, un organiste de Lehman Brothers, qui a sorti plusieurs disques très très bons. Et là, donc, c'est un live. Et on va commencer en fanfare avec Boogie Shillon, du disque Boogie Down the Road. She's alone. I want boogie boogie anyhow. I don't care. She's alone. I want boogie boogie anyhow. Boogie chillin'. Yeah. Boogie chillin'. Boogie chillin'. ça commence donc très fort avec Jimmy Barbiani Band, l'album Boogie Chillin'. Tu disais, Francis, hein, tu aimes le boogie quand il est joué comme ça. Ah oui, avec une rythmique là, qui vous emporte et qui vous prend les tripes. Ouais, très bon. Oui, très bon. J'ai pu l'entendre puisque je l'ai vu il y a quelques temps au Croque-Notes à Seclin. Ça avait été très bon, très bon, très bon. Voilà. Alors François, je vais quand même expliquer qui tu es aux auditeurs, même si tu viens souvent nous rendre visite. Tu es donc un ami, un passionné de blues. Tu prends plaisir à fouiner, à chercher, trouver des nouveautés dont tu vas nous gâter ce soir. Alors des nouveautés ou des anciens groupes des groupes pas forcément connus, même carrément inconnus, mais qui ont sorti un disque formidable et bon, c'est inconnu. Moi, j'arrive à les trouver par hasard comme ça, parce que je fouine beaucoup. Parce que voilà. Tu fouines beaucoup et que voilà. Tu vas également beaucoup en concert. Exactement, ouais, j'adore ça. Il n'y a pas mieux que les concerts pour apprécier les groupes. Bah d'ailleurs, on va peut-être rebondir et parler un peu de ce qu'on a vu samedi à Saint-Saulve pour la nuit du blues en Athéna. Alors ça a commencé avec Rosdell, un groupe français qui, si je puis me permettre, se cherche peut-être encore la formule. Oui. C'était très bien, mais ils ont besoin encore d'un peu de cohésion. Et de maturité, peut-être. Oui. Donc, ils ont besoin de jouer. Hein, ouais, et voilà. Ouais. Alors, après, par contre, on a été scotché par Philby's Freedom. C'est un Hollandais. Oui. Une très jolie voix. Alors là, pas de problème de cohésion. Il fait 1, 2, 3 et pouf, tout a été impeccable pendant tout le concert. Ouais, et de plus, comme il maîtrise très bien le français, le contact qu'il a avec le public est formidable. Ah oui, ça c'est vrai. Et là, c'était le délire à la fin. Mmh. Je crois qu'à Saint-Saul, pour faire lever les gens, il faut vraiment que la personne soit forte. Mmh. Voilà. Et là, vraiment une belle découverte. Et ça finit avec Van Wilks, qui n'était pas une découverte pour nous, mais dont on a pris énormément plaisir à revoir. Lui, c'est l'excellent guitariste. Hein. Exactement, il y a un son particulier à lui. Il est très très bien, il est très très bon. Sauf qu'il y avait un petit décalage au début, parce que comme Philby avait été formidable, oui, et que la musique n'est pas tout à fait la même, heureusement bien sûr. Donc il y a eu un petit décalage, mais c'était très bien aussi. Quoi. Oui. Voilà. Voilà, donc ça c'était notre petit retour de la nuit du blues à Saint-Saulve qui a eu lieu samedi dernier. On va continuer avec une nouveauté encore, un album de 2017. De 2017, d'un groupe célèbre des années 70, ça ne va pas nous rajeunir tout ça, Ten Years After. Donc ce groupe-là a commencé en 68, je crois, 69, et il a été célèbre à cause du festival de Woodstock. Et là, pour eux, après, tout était très bien et ils ont sorti pas mal de disques. Donc le guitariste à ce moment-là s'appelait Alvin Lee, hein, très célèbre. Il y avait un surnom, on disait que c'était lui qui jouait le plus vite. Mais en écoutant ses albums, c'était pas un blues rock costaud. Enfin, il y avait beaucoup d'affinité avec le jazz aussi un peu. C'était vraiment très bien, les premiers disques et tout, même après. Après, son blues a dérivé un peu vers la pop, mais très très bien aussi. Donc là, c'était dans les années 70, et ils se sont séparés, ils se sont formés en 88, et Alvin Lee a arrêté dans les années 2000. Il a été remplacé par Joe Gosch en 2002, voilà, et après, en 2014, il y a eu l'arrivée de Marcus Bonfanti, et le bassiste est parti, Leo Lyons, et c'est Colin Hodgkinson à la basse, et c'est leur premier disque studio, voilà, donc avec Marcus Bonfanti. Donc le titre est Guitar Hero de l'album A Sting in the Tail. Thank you. in your blood runs through your veins, bringing joy and a whole lot of pain. When it's written in the stars, you got no choice to see. When a guitar hero is all you ever wanted to be. When a guitar hero is all you ever wanted to be. You won't break, you won't bend. Sticking with it right till the end. Now lay your money down. Talk to talk and do the show. If the writing's on the wall, there's no way out, you see. When a guitar hero is all you ever wanted to be. When a guitar hero is all you ever wanted to be. Donc voilà, c'était Ten Years After. Le prochain groupe, c'est un groupe de hard blues rock qui s'intitule Monter Truck. Alors, c'est un groupe canadien créé en 2009. Il est composé par John Harvey, bassiste et chanteur, Jeremy Winderman, guitare, Brando Bonner au clavier et du batteur Ted Kelly. Donc, pas trop d'informations, le disque est très bien hein, pour ceux qui aiment bien le hard blues rock. Le morceau que j'ai choisi s'appelle « Oh Lord » de l'album « Furiosity ». The night where they sleep. And I say, life forever. The evil democracy. Drop to the bomb. Little children from the cover from the terror of freedom. When home is gone, you lose the people. But now the people are in your chosen one. Liberty is what they're saying. But Eh bien, vous savez quoi, moi, j'aime bien le hard blues rock. Comme ça, oui, parce que c'est pas trop lourd et le chanteur est très bon. Et donc, je crois que cet album de Monster Truck, tu vas me le prêter ? Ben oui, pas bon, de problème. Ça va. Pas alors. De problème. On Merci. Verra. Oui, oui, oui. Merci, François. Donc, on va continuer avec The Rusty Boot Band. Alors là, c'était une découverte, vraiment. Là, je suis tombé par terre, enfin pas tout à fait, mais presque, tellement que c'est bon. Alors que j'explique, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais j'ai réussi quand même à trouver quelque chose. Alors c'est un groupe de 1980 qui vient du Texas, formé par Rusty Bud, guitare, Mac Bartholomew, guitare, Curtis Bannon, leg guitar, un fou furieux, vous l'entendrez là tout à l'heure, Jeff Zwenerman, basse, et Skolnikon, batterie. Alors voilà, donc j'ai choisi comme morceau Cruisin' de l'album Man Man Tan. Vous n'allez pas être déçus, vous allez voir. C'était donc The Rusty Bud Band et je vous assure que ça met François dans tous ses états dans les studios. Oui, oui, vraiment. Enfin, moi, j'adore ce disque-là. Enfin, voilà. Donc, et donc, c'est un groupe des années 80 et pour toi, ils n'ont plus rien fait après. Non, moi, j'ai pas de traces par rapport à ça. J'ai cherché pourtant, hein, bon. Parce qu'avec un disque aussi bon que ça, je m'étais dit que peut-être je récolterais d'autres disques, oui. Mais non. Si toutefois un auditeur nous écoute et qu'il a eu des infos sur The Rusty Bud Band, on est joignable. Vous nous retrouvez sur notre site piqueblues.fr et il n'y a pas de souci. Et je le remercierai fort, ouais. Je crois. François vous attend. Voilà, voilà. On va passer maintenant à du blues. Hein. Je vais parler d'une chanteuse, Jessie Martens, qui est allemande et qui chante depuis... des années 2000-2005. Elle a formé son propre groupe en 2010 et elle a remporté le German Blues Award et le German Rock Award. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'elle a vraiment une très très belle voix. Et son groupe est composé de Markus Schroeder au clavier, Dirk Thuja à la guitare, Christian Homm Adamet à la basse et Christian Kohl batterie. Voilà. Donc, j'ai choisi Eth Mister de l'album Touch My Blues Away. Jessie Martens. Tell me what is wrong. We Qui ont apprécié, c'était Jesse Mertens à 19h01 sur RQC 95 FM à Moucron. Je vous rappelle qu'on est dans la playlist de François et ça continue avec des nouveautés, des découvertes. Donc je vais continuer avec The Rex Guanid Band, qui est aussi à sa tête une chanteuse. Et donc ce groupe a été formé par le guitariste Rex Guanid, Jem Carey de basse et Anton Levy de batterie. Ils tournent depuis 2002. Ils sont originaires d'Omaha, donc j'ai pas plus d'informations. Le morceau s'intitule Two Trends de l'album Spirit Matter True Lies. Thank you. Et je lève haut la main pour The Rex Granite Band. Super, merci François. J'aime bien quand la musique est comme ça, lancinante. Et de plus, la demoiselle a une très jolie voix. Oui, oui. Franchement, j'aimerais bien les voir en concert. Ah, dans ces cas-là, je ne sais pas si on peut les appeler ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Fais chercher sur Facebook demain. Et deux disques en moins dans ta besace ce soir. J'emprunte. Oui. Oui, pas de problème, pas de problème. Allez, vas-y, continue à nous donc, faire donner du plaisir. Donc, je continue avec le groupe de Brandos. J'ai découvert il y a peu, mon ami Philippe en a plein, et au moment où il m'en avait passé quelques-uns, j'étais passé un peu à côté, j'avoue. Hein. Mais j'ai redécouvert ça à l'occasion du double live là, que j'ai rapporté, et j'avoue que c'est vraiment très très bien. Hein. Donc, c'est un groupe américain, formé en 85, originaire de Seattle, emmené par Dave Kincaid à la guitare, chant, Ernie Mondillo à la basse, Ed Ruprecht guitare et Larry Masson de batterie. Et c'est pas pour rien, hein. Ils ont quand même sorti 14 disques, hein, j'ai vu, hein, quand même. Ils ont eu beaucoup de succès quand même aux États-Unis. En Europe, je pense que c'est un peu plus confidentiel. Et c'est vraiment très très bien, hein. C'est du rock américain, bon voilà. Donc, le morceau que je vous propose s'appelle « She's the One » de l'album donc live qui s'intitule « Turn, Sun to Sun ». Et c'est « The Brandos ».« Brandos ».« The Brandos ». Ouais. Woman that I found, that she's the one. I know you heard the story told by so many fools before, but she's the one. Tried to tell me day was night, up and down and black was white, but she's the one. Hey. She's the one. Eh ben, c'était vachement bien, hein, de Brandos. Alors, différent de Rex Granite Band qu'on avait entendu juste avant, mais à plein d'énergie, là aussi. Hein. Oui, ouais. Oui. Et ouais. Même Francis a dansé. C'est incroyable, ça. Vous m'avez vu. Ouais, oui. J'ai gigoté derrière ma console. Ouais, ouais. Heureusement, t'as rattrapé les potards à temps. Voilà, donc c'était The Brandos, album sorti en 2007. Oui, et pour l'instant, il n'y a rien de... Rien d'autre. Non, il reste tout seul, là, David Kincaid, d'après l'information. Voilà, ah. Donc, je ne sais pas trop. Donc, The Brandos, c'est, on peut dire, terminé, quoi. À conseiller, oui, mais c'est terminé, quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Alors, la suite, Jill Edwards. Alors, je n'ai pas trop d'informations. Simplement, je sais qu'il est originaire d'Oregon. Et que le disque que je présente s'appelle Célébrette et c'est son troisième CD. J'ai essayé d'avoir l'information, voilà. Alors, c'est un peu différent, il est vieux, hein, ouais. Donc je pense qu'il est... Il pourrait faire le Père Noël ? Exactement, oui. Donc voilà. Mais le disque est très bien, complètement différent d'autres, mais voilà. Donc, le titre que l'on va passer s'appelle « Turn My Head Around » de l'album « Celebrate ». Et donc, cet album de Jill Edwards est sorti en 2017. Là. C'est une nouveauté. Ouais. Vas-y, Francis. Baby, that I love you. I told you that I always care. I said, baby, it'd be you and me till we're cruising in a rocking chair. There ain't nobody gonna turn my head the way that you do. Your courage does excite me. I can't believe that it's all you. Like a sheet lightning, you ignite me, baby. From the minute that I let you in my room, there ain't nobody gonna turn my head the way that you do. Thank you. hammer, girl, you own me. You turn my world around. Grip my heart in your pretty little fingers. Squeeze till my soul's on fire. There ain't nobody gonna turn my head the way that you do. Donc c'était Gilles Edwards et je vais passer maintenant à un groupe hollandais qui est un coup de cœur aussi, Back to the Bone. Alors ce groupe hollandais, il n'est pas très jeune, il a été créé en 1979 à Gouda, hein, ah. Oui, oui. Par les frères Marc à la guitare, les deux à la guitare, hein, et à l'harmonica, Gerben Belling à la batterie et Paul De Cuyff à la basse. Et petite précision, hein, leurs deux premiers albums ont été produits par Mac Vernon, qui est un producteur des années 70 en Angleterre, de groupes comme Savoy Brown et autres, donc de grands groupes. Et vraiment, leur disque s'appelle 13, est vraiment formidable. Donc le morceau s'intitule, le morceau qui va passer, Tie Trope, de l'album 13. Et c'est Back to the Bone. Back to the Bone. I'm losing grip. I take too much risk, yeah, I let it all rip. I'm gonna fall, sure gonna slip. Slide out of hell on a bad trip. I walk a tightrope. On est revenu dans une séquence hard blues rock, je ne me trompe pas, hein, François. Oui, là, c'est un morceau spécialement rock. Et très bien, hein, très bien. Oui, hein. Je suis sûre que l'oreille de Francis est restée bloquée sur le roulement de la basse. Oui, oui. Oui, puis ça avait un doux parfum de blues rock australien. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Assez laité, sauf que la voix quand même moins... Non, mais tu disais que les autres morceaux étaient assez différents aussi. Oui, oui. T'es un disque assez surprenant, parce que c'est pas que du rock comme ça. Des morceaux beaucoup plus, je dirais, moins rock, plus blues, avec l'harmonica. Et formidable, enfin, pour moi, voilà. Oui, bon, on emmène et comme ça on pourra faire écouter aux auditeurs d'autres titres de cet album. Puis des Hollandais, c'est bien. Oui, Bad to the Bone. Oui, moi je reste scotché sur Phil Bees de samedi, donc là les Hollandais en ce moment ont ma petite faveur. Très bien. Vas-y, continue François. Donc, je vais répéter, donc c'était Bad to the Bone et je passe maintenant à un groupe grec, Hardwiver, un groupe jeune. Hein. C'est leur premier CD et il constituait donc ce groupe de Stavros Papadopoulos à la guitare. Ça, les Grecs, c'est pas facile à dire. Hein. Oui, Jim Petridis à la basse, c'est un trio, et Chris Lajos à la batterie. Le morceau que je vous propose, il sera simplement instrumental. Il s'appelle Electric Wide de l'album Freedom Machine. We'll be right back. Donc c'était The Hard Driver. Alors je passe à notre groupe avec dans le nom aussi Driver, c'est The L Driver. Alors The L Driver a une particularité que le guitariste est très célèbre. Il a commencé, sa carrière avec un groupe énorme qui s'appelle Cactus, était l'équivalent dans les années 70 de Led Zeppelin et tout, hein, qui a quand même sorti quelques CD formidables. Et donc, en Cactus. Mais avant Cactus, il a joué quand même avec un chanteur qui était extraordinaire, qui s'appelle Mitch Ryder. Il vient de Détroit. Hein. Et voilà, donc il a quitté Mitch Ryder pour aller dans Cactus. Et quand Cactus s'est arrêté, il a continué avec un groupe qui s'appelle The Rocket, un groupe de Détroit aussi, où, qui a continué du rock. Et donc ce groupe a splitté dans les années 2000. Et il a formé un autre groupe avec le même batteur que dans The Rocket, qui s'appelle The Hell Driver. Et aussi, je pense que dernièrement, il y a quelques années, il a reformé Cactus avec un autre chanteur, avec le groupe original. Et là, donc, je présente. Mais des noms, groupe. Des noms, tu ne nous as pas donné de noms. Oui, mais j'y arrive. Ah, excuse-moi. Voilà. Donc, The Hell Driver est formé par Jim McCarthy à la guitare. Son batteur, avec qui il a joué dans The Rocket et avec Mitch Ryder, qui s'appelle Johnny B. Badonjek. Marvin Conrad à la basse et Jim Ewa au chant. Et c'est vraiment très, très bon. Donc, le morceau que j'ai choisi s'appelle Désir, de l'album Live from Detroit. Yeah. troisième groupe, François, bien hard blues rock. Hein. On a eu Bad to the Bone, Hard Driver et maintenant The L Drivers. Ouais, c'est décape, hein. Très bien, ouais, ça décape. Et la suite, Down and Outlaws. Là, je le repasse, je l'avais déjà passé à une à cette émission il y a longtemps. Mais c'est un groupe que j'adore. Ils font d'abord, c'est le seul disque de ce groupe, mais c'est très original. Et très entraînant et très très bien. Donc c'est un groupe de San Francisco qui existe depuis 2013 avec les frères Danzig, guitare et guitare basse, Kak Luck, guitare et Jankar, batterie. Et donc le morceau s'appelle, qu'on va passer, s'appelle Drinking, non pas Drinking, Backward from the Day de l'album Above Snakes. Et c'est donc Down and Outlaws. Yes. Thank you. Noël, on est dans notre bulle, on prend plaisir à écouter les découvertes de François. Mais Yost vient d'entrer et puis il a joué le Père Noël, il est plein de neige, il paraît qu'il neige dehors. Oui. Et ben moi je suis contente, moi j'aime ça. Vas-y François, emmène-nous maintenant au Mississippi. Oui, mais c'est un groupe australien. Ah, il y a juste le nom qui est du Mississippi alors. Oui. Mais si, on peut dire qu'ils peuvent venir du Mississippi parce que le guitariste, il joue de la slide vraiment très bien. Vous allez un peu découvrir, je dirais que c'est pas similaire à Delta Moon, mais c'est dans la même famille, Donc voilà. Et donc, c'est un groupe australien de blues rock formé de Jeff Cree à la slide guitare et au chant. Wayne LeFleur à la guitare également, Tim Gannon à la basse et Derek Smith à la batterie. Ils ont sorti quand même 5 CD. Et le morceau qu'on va passer s'appelle Drinking de l'album Right Here, Right Now, Mississippi Shakedown. There ain't no curving. My drinking, my bourbon. You ain't gonna win with my sipping, my gin. You're gonna have to comb while I mix with my coke. They ain't gonna stop the fun when I drink my. Let me give you some advice about a glass full of ice. I take a little shot because it helps me a lot. I don't drink as a rule, more like a habit you see. I'm taking more out of alcohol than alcohol is taking out of me. I'm sipping my gin. You're gonna have to go. That's why I mix it with my coke. Ain't gonna stop the fun when I'm drinking my rum. I ain't gonna drink anymore, but there's one thing I must confess. I ain't. I ain't gonna drink any less. I said, I ain't. Donc, c'était Mississippi Shakedown, groupe australien. Donc, j'enchaîne sur Long John et Killer Blues, un groupe au blues très sombre. Vous allez pouvoir l'entendre d'ici quelques temps. Ils sont originaires de Saint-Louis. Le morceau que je propose s'appelle Big Man Got a Fat Chicken, de l'album Heavy Electric Blues, Long John et Killer Blues. We'll be right back. Donc c'était Long John et Keller Blues. Là on va passer à un groupe Normative All Star, un groupe célèbre aux États-Unis. Moi j'ai eu la chance de les voir près d'Ostende, c'était vraiment très bien. Donc Normative All Star, groupe fondé en 87 par les deux frères Dickinson, Luther à la guitare et Cody à la batterie. Le morceau que je vous propose s'appelle Never in My Days de l'album Hill Country Revue. What's up, bro? I love you. Mr. Dwayne Burnside in the house. This is if y'all ever make it. Yeah, well, well, well. If y'all ever make it down to Holly Springs, Mississippi, y'all need to come down to the hottest juke joint in Mississippi. Yeah. Burnside's Blues Cafe on Highway 7. My job, the Holly Springs. That's the spot. That's the All-Stars home. Spot. It's just the one thing, baby, I won't say to you. One last thing, darling, before we do. Never in all my days, never in all my days, never in all my days have I loved a woman so hard to please. Et voilà, c'est avec North Mississippi All Stars que se termine ce Telling You. J'espère que les auditeurs ont apprécié autant que nous ta playlist, François. J'espère. Un grand merci, des belles découvertes, des albums que je vais écouter en entier, hein, que je t'ai emprunté. Voilà, je vous rappelle que samedi 2, là en face, de l'autre côté de la rue, a lieu au Centre culturel Moucronois, la 13e nuit du blues, avec en tête d'affiche Trudy Lynn, et ça commence à 20h30. Et on vous dit bye bye, à la semaine prochaine, et on vous laisse maintenant avec Yost et son Back to the Roots. Bye bye. Au revoir. RQC.